Vous avez de gros problèmes électriques et ne savez pas vers qui vous tourner? Les entreprises Roderick Piquette sont la solution. Une équipe d'expérience impliquée dans son milieu avec un service au comptoir complet qui solutionnera tous les problèmes résidentiels, que ce soit du fil, au câble, aux boîtes électriques ou toute autre pièce. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est branché, c'est notre spécialité. Osez demander. Les entreprises Roderick Piquette, 410 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. Toute notre équipe désire féliciter Shane Gauthier pour sa sélection avec les Blue Bombers de Winnipeg. On va parler de vélo de montagne. C'était la Coupe Canada et la Coupe du Québec de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. Il a brillé vraiment samedi, Coupe Canada. Et dimanche également, en remportant la victoire, on parle évidemment de Victor Verroux de Saint-Félicien. On l'a en bout de ligne. Salut, Victor. Bonjour. Victor, est-ce que tu es content vraiment? Honnêtement, là, de terminer deuxième au championnat canadien ou à la Coupe canadienne, c'était vraiment intéressant. Là. C'est vraiment ben, très, très intéressant pour toi. Là. Ouais, vraiment content. Ça me permettait de remporter beaucoup de points UCI, vu que c'est une Coupe Canada. Puis faire un bon résultat comme ça, là, je suis vraiment content. Là. OK. Est-ce que tu t'attendais, est-ce que le parcours, le fait que tu le pratiques, tu le connais par cœur comparativement à tes opposants, ça a été un avantage marqué? Oui, sûrement. C'est toujours, quand on court chez eux, là, c'est tout le temps une grosse avantage, d'après moi. Là. On connaît, tu sais, il n'y a pas rien que les passes techniques qu'on connaît. On connaît la ligne, on connaît, tu sais, qu'il y a une racine à telle place. Que... On connaît tout par cœur, fait que c'est ça de moins à penser, fait qu'on peut tout mettre notre énergie sur un coup dessus et aller plus vite. OK. Quand tu dis « j'ai gagné plusieurs points UCI », ça veut dire, c'est l'Union cycliste internationale, ça veut dire que tu as remporté combien de points en fait en fin de semaine, ta deuxième place? Je peux pas le dire vraiment, je me rappelle, je peux pas dire, il y a un classement, genre, je sais pas s'il y a tant de points, deuxième, tant de points, mais ça dépend comme, je crois qu'à Saint-Pétien, c'est un H2. Puis il y a plein de classes de course, là, étant HC étant la plus élevée. Puis, okay. C'est un peu dur à dire vite de même. OK, OK. Mais c'est très intéressant par contre. Là. Ça t'a donné quand même pas mal de points. Ça peut t'aider au classement, même quand tu dis UCI, c'est le classement mondial, quoi? Oui, oui, dans le fond, oui, c'est ça. OK, OK. Courir deux courses en 24 heures, ça doit être taxant, ça? Oui, ben là, la deuxième journée, là, quand on commence le réchauffement à plus de bonheur, puis on se sent déjà dans nos jambes, là, on a moins de kick, là, puis c'est plus, c'est dur pour tout le monde, c'est sûr, là. Mais ouais, c'est tough, là, faire deux courses quand même dans une fin de semaine, c'est gros. Est-ce que tu t'attendais vraiment de gagner celle-là, quand t'es parti dimanche, samedi, est-ce que ton objectif était vraiment de terminer en deuxième place, ou c'était de bien figurer, parce qu'il y avait quand même plusieurs seniors, là? Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, samedi, mon but, c'était plus de... Je m'avais dit top 3. OK. J'essaie de suivre les meilleurs, puis eux autres, les plus forts que moi un peu, puis eux autres, on se ressemble, là, notre pack qu'on est d'habitude. Là. OK. Puis ça avait été, là, j'ai réussi à prendre un peu d'avance sur le troisième, puis à avoir quand même un bon gap sur le premier aussi. Là. OK. La chaleur, est-ce que, parce qu'il faisait très chaud hier, il faisait très chaud samedi également. Est-ce que toi, ça t'affecte ou t'aimes courir en chaleur? Ben, ça m'affecte pas plus qu'il faut, je pense, puis j'aime pas plus ça qu'il faut non plus, là. OK. C'est sûr qu'il faut boire plus, puis c'est rien qu'un adaptement, là, pendant la course qu'il faut faire, puis avant aussi, là, boire plus, puis juste s'adapter, là. OK. Hier, parle-moi de la course d'hier. Hier, c'était le contre-la-montre, tout le monde. Ouais. Là, il manquait, le premier qui avait gagné samedi, faisait pas la course. OK. Donc, là, je me suis dit, j'ai encore plus de chances de remporter. Là, mon but, c'était vraiment de la remporter. Là. Vu que j'avais fini deuxième en plus, là, je voulais vraiment l'avoir cette fois-là. OK. Puis, ben, je suis parti au fond. Après ça, j'ai relancé, puis j'ai fini au fond. Au fond, tout le long, puis j'ai gagné avec 2 secondes d'avance. OK. Donc, en fin de semaine, parce que j'ai parlé à ton père quand je suis allé en fin de semaine, ton père m'a dit, les championnats canadiens, on vise les championnats canadiens à Whistler. Ce qui s'est passé en fin de semaine, normalement, ça devrait confirmer que tu seras là. Là. Bon, oui, probablement. Là, ça reste à décider. Là. Je vais parler avec mon coach puis tout là, pour le reste de la saison, parce qu'il me reste quand même le championnat québécois aussi au Mont-Saint-Anne. OK. Que je veux quand même bien performer là. Fait que là, ça reste à voir, là, mais il y a des bonnes chances que j'y aille. Oui. OK, OK. Ben, Victor, félicitations. Bravo. Je pense que tu as fait écarquiller. Il y a beaucoup de monde qui te connaissait. Et tu as fait écarquiller quand même les yeux en fin de semaine avec ta belle victoire. Parfait, merci beaucoup. Victor Véraud de Saint-Félicien.